pas. Je l'ai déjà dit, nous tester ne venez jamais. Toi t'arrives en poney, moi je repars en jumeau. Une pour ma mat de cliché, la famille Zuna. Zim Zima, encore un son de Zona. Tu te prends la tête avec ton survêt Zardi en latex. C'est dans le sang la tech, même quand je jardine sans la sève. Je tape pas t'enlacer, j'ai toujours un plat bio dans l'assiette. T'aimerais enlacer, mais ce soir le physio t'a rappelé. Je sais pas d'avoir de la sape ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident qu'il faut du swag. Du swag, baby, du swag. Ça vient pas comme un spoil. Du swag, ça prend des piges et des piges. La sape ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident qu'il te faut du swag. Du swag, baby. Du swag, ça fait pas comme un spoil. Du swag, ça prend des piges et des piges. Du swag, j'ai des décennies. Du swag, baby. Du swag, ça fait pas comme un spoil. Du swag, ça prend des piges et des piges. Gotham City, Gotham City, t'es plus prêt, t'es pas prêt. Gotham City, assume. Du swag, c'est sur Paris, Oran, New York, qui sort lundi, lundi 25 août, toujours en précommande dès maintenant. Allez-y, c'est dans 3 jours la sortie de Paris, Oran, New York avec DJ K. Ils ont commandé. On a entendu tout l'été. Ouais, un des gros sons de cet album. Il y a aussi un autre morceau qu'on écoutera tout à l'heure, je pense, Jnounet. C'est ça, Jnounet. Le fameux Jnounet avec Rimka, avec Jules, avec Diesel. Et un petit point, puisque ce soir c'est spéciale soirée, dans un instant tu vas nous mixer. Ouais, je premier mix de K. Déjà, ouais. Un petit avant-goût, et tout à l'heure on rentre bien dans le club. Et alors le clubbing, c'est beaucoup de tournées, toi. T'as compté sur une année combien tu fais de dates ou pas? Non, jamais. Non, jamais. Mais c'est essentiellement les week-ends, du jeudi des fois au dimanche ou le week-end. Et l'été et vers la période des fêtes du jour de l'an, ça n'arrête pas. Bon, et là, c'est quoi les prochaines dates alors? Alors les prochaines dates. Grosse tournée de Case pour le retrouver près de chez vous. C'est ça. Alors demain, samedi 23, je suis à Perpignan au Purple Club. Dimanche 24 à Casablanca au Maroc, au Vanity. Mardi 26 à Lloret del Mar au Londoner Club, c'est en Espagne. Jeudi 28 à Agadir au Sofitel au Maroc. Vendredi 29 à Marrakech au Must, comme tous les vendredis. Samedi 30, c'est à Toulon. Dimanche 31, en Tunisie, au Guitoun à Hammamet. Peut-être qu'on aura l'occasion de se voir, Fred. Eh ben, pourquoi pas, hein. Avec grand plaisir. On va essayer de l'inviter. Il va venir avec nous. Bah attends, ça se refuse pas, Mamet. Tu me dis c'est bien. Avec grand plaisir. Vendredi 5 septembre à Marrakech au Sofitel. Samedi 6 septembre, c'est au Théâtre à Paris, Porte Maillot. Vendredi 12 septembre à Lyon, au Red Room. Samedi 13 septembre à Saint-Quentin, à l'Unique, discothèque. Vendredi 19 septembre, après le 20, ça devient un petit peu flou, mais on en reparlera plus tard. Dans les rails suprêmes, notamment le dimanche soir. C'est ça, tous les dimanches, on annonce les soirées. Eh ben Case, si tu veux bien nous donner un avant-goût d'ailleurs pour la France entière maintenant, ceux qui sont à l'écoute, tu vas retourner aux platines. C'est quoi? Il y a un peu de tout, il y a des extraits de Paris-Oran New York. Là, ça va être principalement les extraits de Paris-Oran New York, un condensé, et tout à l'heure, ça va être un gros mix. Restez bien branchés, ça va être un mix de malade, vous croyez en boîte de nuit. Bon, bah, deux sessions mix avec la barre haute lancée par DJ Case. On est parti maintenant pour cette première session sur Skyrock. Dans quelques minutes, la question aussi pour repartir avec votre album Paris-Oran New York qui sort le 25 août. Album dédicacé par DJ Case. Prêt, Case? Pour cette première session, on y va? Allez, c'est parti sur Skyrock maintenant. DJ Case. DJ Case. DJ Case. DJ Case. DJ Case. DJ Case. DJ Case. DJ Case. DJ Case. DJ Case. DJ Case. DJ Case. DJ Case. DJ Case. DJ Case. DJ Case. DJ Case. DJ Case. DJ Case. DJ Case. DJ Case. DJ Case. Turn down for what? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Après j'avoue y'en a qui forcent jusqu'au bout de la night. Il est minuit sur ma toquante, j'galère. Les gars de mon dos ils vont brûler un mois de salaire. Ça cause de boules de bad beats, ça va me plaire. Laisse les bad beats fight pour un bout de terre. J'file comme une étoile pour me payer ça à fonce. Chercher la fuck et m'équiper de ma course. Fini l'époque des guerres face au physio. Platine à Kay, j'en entends la fun comme James Brown. J'ai les jambes en feu, le doigt en l'air, le paquet glisse, c'est trop mieux. J'suis à déguster, j'suis à croquer, chaud à l'intérieur, rappelle-moi moi le. Sous nous sur la piste, c'est simple, tête des petits pains, petit serpent sous la boule à facettes. Jamais sous tease avec mes yeux de shiny, cherche pas la chiffre dans le ghetto, c'est la cerise. J'suis la Me lever fumer un cigare, me rendormir aussitôt. raison, jamais les murs nous rasons. Chez nous le terrain glissant, ramasse pas le savon. Comme si mes jeunes du 19, je t'en mec, c'est pas bon. Faut que les esclaves de l'État qui prennent le peu que nous avons. Le but c'est demander pardon, tant qu'on est sain et sauf. Si ta rose me kiffe, pas pour autant que je serai ton pauvre. Ma génération, j'la distance avec un tour de chauffe. Tu feras pas long feu si tu vois de quel poids je me chauffe. Et je vais t'amender du moco pour rapper comme un como. Que les alouettes mettent au sticker s'ils font ma meilleure promo. J'ai fait couler des lits de flanche pour t'en faire des tonneaux. Si toutes mes rimes seraient masées, je serais une star du porno. Remis en lumière, ils veulent baisser les stars. Personne me m'assoit dessus, moi je m'en fous d'être une star. Comment être un bon vivant en ayant tant de remords? Entre nous, y'a un fossé, j'ai creusé mon écart. Première session mix avec DJ Case, gros mix pour commencer, pour tous ceux qui vont être en week-end, ceux qui continuent leurs vacances aussi, hein, qui profitent. Eh oui, c'est encore les vacances. Avec le son de DJ Case à l'instant. C'est ça, on a fait une sorte d'un petit intro qui présente un petit peu quelques morceaux, les morceaux phares du projet. Et on va découvrir juste derrière Jnounet. Oui, Jnounet, on va le balancer dans un instant. Et puis juste après Jnounet, ouais, tu reprends le contrôle. Ah oui, on va faire un gros mix tout à l'heure, un mix clubbing là. Et bah préparez-vous à enregistrer, il y aura le freestyle par téléphone et le retour de Planète Rap, c'est après ça. Comme toi, DJ Case a choisi Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. DJ Case sur Skyrock pour son Planète Rap ce soir avant la sortie de l'album dans 3 jours, Paris, Oran, New York, 3 jours, le 25 août. Et petite question, tiens, pour repartir avec Paris, Oran, New York. Je n'ai pas posé une petite question difficile. Oh là là, pour conclure la semaine difficile, celle-ci. Comment s'appelle l'émission de DJ Case qu'on retrouve le dimanche soir à partir de minuit sur Skyrock? Très très dur. Très dur, tu ne files pas la réponse. Si vous l'avez par contre, vous envoyez un message 41759 avec le hashtag DJ Case sur Skyrock. Et le temps de répondre à la question, bah on va écouter un morceau. Allez, on va se mettre Jnounet, c'est Jul, Rimka et Diesel. C'est parti maintenant sur Skyrock et puis après, gros mix de gros DJ mix Case. Gros mix juste derrière, ouais. Rien à foutre, juste nous mets comme mes pieds sous le casque. Me calcule pas, je suis bourré. Toi et moi, c'est pas pareil. Ils sont toujours en bande. Dans la poche, le cran d'arrêt. Poursuis dans ta mais ça tout sur la bande d'arrêt. Je suis genouné, j'ai du mal à dire mes amours. Du dans le game, j'arrive, ils ont la mort. Ici, c'est le 13, poteau, j'arrive qu'à couler ganté. Dans le rap, y'a trop de victimes qui jouent les brigandés. Chicha, papicha, allume le bon char. Un peu de weed dans un bon cas. Que du V12, que du gros char. On veut du gros cash, la tête camouflée. Sous une écharpe, sur le boulevard. En marche arrière, en gros BM. Au-dessus des lois, au-dessus du game. Mon passé parle pour moi. Laisse la du cambouis sur les mains. J'viens préparer une courroie. Baby, habibia, j'ai les idées en place. Parfois je dérape, trop de changement d'humeur. Dans mes attitudes, j'suis sur les nerfs. C'est dans mes habitudes. J'irai bien faire un tour dans la ville. Me changer les idées. J'entends cette petite voix dans ma tête qui me dit enjaille toi. J'suis perturbée, j'm'évade dans mes pensées. J'suis trop préoccupée, j'suis comme ça. Écoute le son si tu te sens concerné. Écoute ce refrain si ça peut t'apaiser. Ce son, si tu te sens concerné, écoute ce refrain si ça peut t'apaiser. Yeah, Lily, yeah, Lily, je me concentre dans tes bras. C'est la nuit qu'il faut que je m'évade. Y'a quelque chose de mauvais qui contrôle mon esprit. Mon cœur s'est endurci comme si j'étais Jnounet, Jnounet, Jnounet. Je fais des concerts au Hebs, les frérots préparent la chauffe. Des gamelles terre, top chef, big frappe de 30 mètres comme Yaya Touré. J'arrive toujours à l'heure où les gens sont bourrés, vitres et lunettes fumées. Au feu rouge, je donne toujours une petite pièce sur une plage. En Espagne, je fais la sieste. On fracture les portes, on parle en code. Parlons euro, parlons business, parlons tout. Jnounet, t'as vu le talent? Je fais de là où ça parle galage. Perdu, je suis en décalage, je finis riche dans un palace. Rimka, Jul, t'entends le son, t'es Jnounet. Comme ce mec qui rote sans cagoule pour fumer. Oh les man, j'suis avec ma team sur Pana. Je vis, je vois, j'ai mal pour oublier, je fume le gars. DJ Guy, ça t'aute, t'as pas la tête, même côté. Tu veux te faire une place, mais c'est pas de boycotter. J'ai les idées en place, parfois je dérape. Trop de changement d'humeur dans mes attitudes. J'suis sur les nerfs, c'est dans mes habitudes. J'irai bien faire un tour dans la ville, me changer les idées. J'entends cette petite voix dans ma tête qui me dit enjaille toi. J'suis perturbée, j'm'évade dans mes pensées. J'suis trop préoccupée, j'suis comme ça. Une envie de faire un murder. J'suis perdu, j'vois des choses qu'il faut pas. J'ai vraiment peur de faire un faux pas. Dites-moi ce qui ne va pas. Diesel. Dites-moi ce qui ne va pas. DJ Case. Dites-moi ce qui ne va pas. Rimka. Dites-moi ce que je ne vois pas. Jules. Depuis que je suis tourné, baby, habibi, j'ai les idées en place. Parfois je dérape, trop de changement d'humeur dans mes attitudes. Je suis sur les nerfs, c'est dans mes habitudes. J'irai bien faire un tour dans la ville, me changer les idées. J'entends cette petite voix dans ma tête qui me dit enjaille toi. Je suis perturbé, je m'évade dans mes pensées. Je suis trop préoccupé, je suis comme ça. Écoute ce son si tu te sens concerné. Écoute ce refrain si ça peut t'apaiser. Écoute ce son si tu te sens concerné. Écoute ce refrain si ça peut t'apaiser. Dans tes bras, c'est la nuit qu'il faut que je m'évade. Y'a quelque chose de mauvais qui contrôle mon esprit. Mon cœur s'est endurci comme si j'étais donné, donné, donné. 2-0-1-4 Marseille, Panama. Donné, donné, donné. Juste pour une donné, donné, donné. C'est la crise de Mike Maker. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Jnoune. Jnoune, ouais. Qu'on écoutait à l'instant, Rimka, Jul. Pour tous ceux qui sont Jnoune. Pour tous ceux qui sont possédés, qui sont possession. Tu connais. Ça arrive. Il y a certaines soirées où on a. Même toutes les soirées de Kaïs. On bouge dans tous les sens, on sait pas pourquoi. Les soirées Jnoune. On a pas loupé. Il y en a qu'on va rendre Jnoune d'ailleurs dans pas longtemps. Là. Ah, ça c'est sûr. Dès le 25 août, dès la sortie de l'album. Et je crois que nous avons une annonce spéciale à faire pour la sortie de l'album. C'est ça. Un concours pour partir direction Marrakech. C'est ça, c'est ça. Amine. Il y a un grand concours qu'on a lancé déjà mercredi, donc on va le réexpliquer pour les auditeurs. Donc tous ceux qui vont acheter l'album, ils le postent sur la page fan à DJ Kaïs, DJKYZ, DJ Kaïs. Et ceux qui vont le poster, il y aura un tirage au sort le jeudi 4. Et ceux qui vont le gagner, ils partiront avec DJ Kaïs au Sofitel à Marrakech. Ah ouais, c'est ça. Ouais, une grosse soirée le 5 septembre. Ouais. Voilà. Et ça sera gratuit, offert par DJ. Toutes les infos, on les retrouve. Jeu avec huissier de justice. Huissier de justesse. Les infos, on les retrouve où? Sur la page fan DJ Kaïs, sur Facebook. Allez faire un tour, allez cliquer. Voilà. C'est un vrai jeu, donc ça veut dire qu'il y aura un gagnant ou une gagnante. Deux, c'est bien. Bon, un garçon, une fille, ou deux filles, si tu veux. Deux garçons. En plus, c'est bien d'alterner. T'as raison. Voilà. Alors en plus, c'est pas une date au hasard, là c'est une super belle date, bah, Sofitel de Marrakech, direction Marrakech. Donc voilà, je répète, il suffit d'acheter l'album comme tout le monde. D'ailleurs, on va tous aller l'acheter lundi matin, c'est ça ou pas? Exact. Voilà, on va tous aller l'acheter. Moi je serai à Marseille, donc je l'achèterai là-bas. C'est voilà, on va poster ça sur la page et tous ceux qui postent, ils auront la chance de gagner le voyage à Marrakech. Eh ben allez-y, courez dans les bacs. Avant de repartir pour une nouvelle session mix et conclure cette semaine, Kaïs, je te présente Soumaya de Marseille. Tiens, Amine. Ah voilà, Marseille. Ah voilà, Soumaya. Ça va bien? Ça va. Ça va, en pleine forme. Plaisir, première nana de la saison. Ouais, ben on est avec le freestyle d'homme, mais qui rappait très bien d'ailleurs. Par téléphone, ouais. Et tu sais qu'il y a une petite difficulté pour les freestyleurs cette saison, Soumaya. Ah, un petit plus. C'est pas grave. Faut être concis, rapide, efficace en 1 minute 30, sinon vous entendrez ce gong. Y a pas de soucis. Et la drame finit, hop. Elle a l'air un peu timide, Soumaya. Non, je suis sûr qu'elle est déchirée. Non, pas timide. Je sens qu'elle va s'exprimer là. Elle a raison, les Marseillais sont pas timides. T'es d'où de Marseille? Je suis des Chartreux. Ah, c'est à côté. Moi, j'habite à La Rose, de Frévalent. À La Rose, ouais, juste à côté. À la Brive. On défile les rencarts pour ce week-end. Non, c'est pas. Hein. Allez, Soumaya, on t'écoute en freestyle. C'est parti, session freestyle par téléphone. Ok, c'est S-O-U-M-E-Y-K. Bah, je vais foutre le gueule. Et ouais, tu croyais quoi, les meufs, on leur place dans le RAP alors t'as pas de l'art. Laisse-moi te dire deux mots. Non, je dirais pas de gros mots. Tu me critiques, mais tu veux m'enflot, dégage, espèce de pédo. Passe-moi le mic, c'est ce monde de quoi je suis capable. Regarde mes textes gens et dis-toi que je n'ai pas ton âge. Je veux pas être la relève de Sam, la relève de personne. Je la respecte beaucoup, mais chacun a son besoin, son époque. Ne raconte pas de plan. Je suis pas trop dans mon bol. Je préfère aller en frise. On fait de devenir une folle. Regarde-nous et admire à quel point on se salit. Le joint que t'es en train de rouler, c'est lui qui se détruit. Alors oui, j'ai la haine, je rêve de m'en sortir. Papa fait le marché et moi je veux pas la même vie. Je peux pas rêver, la réalité me rattrape à chaque fois. Monsieur dit c'est viré moi, mais j'aurai toujours haine. Quand je vous emmerde, ouais. Je m'adresse au système de politique, c'est pas une maladresse. Si on dit au poulet que c'est pas des flics là, que des histoires, ils manipulent de tout un peuple. Toi tu ne vois rien, ma foi, quand tu penses à ta gueule. En amour, je suis pas doué, mais j'ai touché le jackpot. Toi t'es devenu maman, quand je suis l'histoire de ta faute. Je vous emmerde, ouais. Je m'adresse au système de politique, c'est pas une maladresse. Si on dit au que c'est pas des flics, hein. Ben voilà. Hein. Énervé. Vraiment énervé à Marseille. Hein. Bravo à toi, Soumaya. Elle était pas si timide que ça. Hein. Ah non, t'as vu? Je sentais. Et bon, c'est plein de bisous. Soumaya, petite dédicace, on peut te retrouver sur le net. Vas-y, hein, balance toutes les infos. Sur le net, Soumaya Ben Sizik. Il y a ma page officielle, Soumaya officielle. Et voilà, ici, c'est toujours la même devise pour ceux qui me suivent. C'est bien ta vue. C'est comment? Et voilà. Bien t'as vu. Bien t'as à vu. La fatale à la fatale bazooka. Bien t'as vu. Voilà, bien t'as vu. Et bon, big up à Marseille, bisous. En tout cas, tous les Marseillais, Marseillaises qui nous écoutent. Ouais. Ils nous soutiennent merci et ils me soutiennent, moi, depuis très longtemps. Donc, gros big up aux Marseillais. Ouais, c'est moyen. Rendez-vous à la Fnac Centre Bourse, lundi, à 14h avec DJ Case. Voilà. Ciao. Passe une bonne soirée, Soumeya Case. Il va falloir bosser un petit peu. Hein. On va bosser, ouais. Je m'échauffe un petit peu. Et puis je file à la réponse à la question que j'ai posée il y a quelques minutes. L'un ou l'une d'entre vous qui repart avec l'album dédicacé. Comment s'appelle l'émission de DJ Case le dimanche sur Skyrock? C'est. Ah, c'est l'émission où je suis. Bah oui. Ah, Rail Suprême. C'est pas le Cut Killer Show. C'est Rail Suprême. Rail Suprême, bien sûr. Tous les dimanches à minuit, une heure de mix non-stop avec Fred et DJ Case au platine. Et bah, va donc au platine. Donner un aperçu pour tous ceux qui ont envie de kiffer maintenant. C'est une vingtaine de minutes de mix par DJ Case. Paris, Oran, New York, sortie de l'album. C'est lundi 25 août. Et puis on vous refilera aussi les dates pour retrouver Case un peu partout. Il va passer par le Maghreb, par l'Europe. Il va passer par la France. C'est parti, Case. Coup d'envoi, tu es prêt? Pour ce mix inédit. Go! DJ Case, DJ Case, DJ Case, DJ Case, DJ Case. Hey, rendez-vous lundi dans toutes les Fnac de France pour aller pécho l'album Paris, Oran, New York. Ça sort ce lundi 25 août, la famille. DJ Kai. DJ Kai. DJ Kai. DJ Kai. DJ Kai brings you the best summer music. Algérien culture, albanais, sénégalais. Cheer. Le swag est américain, le négro est parisien, parisien. Qu'est-ce que je vais faire de tous ces deniers? Dans style illicite, quand tu m'envoies des photos, je zoome sur tes fesses. Je suis avec mes potos, rame toutes les tigresses. Fais pas ta Beyoncé, j'ai pas le compte à quart d'heure. Tu vas finir poncé, je ne dure pas un quart d'heure. J'aime quand tu danses la zumba, genre tête Sao Paulo. Mais mon pote Charumba, pense que t'es une choroto. Le ramadan est fini, tu peux refaire ta faute. Enchaîner les garetti et les bouteilles d'alcool. J'te paye un jean philippin, mais ma chérie faut le remplir. Si t'as le corps d'un philippin, pas un euro j'vais sortir. Au pire il me reste mes mains et des photos de Rihanna. Quelques rouleaux de sopalin et j'suis à Punta Cana. On y va. Et ce lundi 25 août dans les bacs, Paris, Oran, New York. DJ Case. Tu connais la suite. Put your hands up in the sky. On te retrouve en club sky. DJ K. Hey, girl, you got me dancing a lingo. The way that you move in your window. Oh, oh. Dancing a lingo. Oh, oh. Dancing a lingo. Girl, you got me dancing a lingo. The way that you move in your window. Dancing a lingo. Dancing a lingo. A lingo. A lingo. The way that you move in your window. ce lundi dans toutes les FNAC de France. Paris aura New York, DJ Kyle. Patty cake, DJ KS près de chez toi, c'est bientôt. Rendez-vous lundi dans les bacs. Paris en rend New York. Stick movie à la vidéo. On veut voir toutes les mains, ça se passe dans les voitures. Dans toutes les chichas, on fait péter le son. Tu connais le DJ, c'est DJ Kays. Amine, il faut danser, remuez les épaules. Montre-leur comment on fait dans les studios. Can I shake that thing, miss? Can I shake that thing, miss? Can I shake that thing, miss? Woman, get busy. Just shake that booty non-stop when the beat drop. Just keep swinging it, get jiggy. Get drunk, stop working like anything you want. Because I'm still a jiggy, but don't take pity. Want me see you get life on the rhythm of my ride. I'm a living cup of my electricity. Girl, nobody can do you nothing, cause you don't know your destiny. Oh! DJ Kays dans toutes les boîtes de France et à l'international. Mademoiselle, remets ton pom pom. On a party, I look so. On a party, I look so. How me girl them turn up on a look so? Where you do to me? Yeah. On a party, I look so. Et n'oubliez pas, rendez-vous ce lundi 25 août dans toutes les FNAC de France. Paris en New York. Hey, c'est la fête sur Skyrock, c'est une discothèque, ça y est. Boîte pleine. Hey, dédicace à tous les Fabiens. Popping, popping, popping, popping, popping. DJ Kays au platine sur Skyrock, c'est le planète rap. J'espère que t'as suivi la session. La session est lourde, ma gueule. Ça remue les têtes dans les autos. Les mains en l'air. Les mains en l'air. Je ne tire pas sur ma chicha, surtout si t'as les dents jaunes. On est là pour la déconne, on sera pas tous les jours. Jeune boîte, là t'es sérieux, mais tu passes une soirée chère. Fini les portes du rail, ma cité a déjà craqué. On move sur du rail avec des gonzesses à croquer. Si les keufs nous écoutent, faut surtout pas paniquer. Quand je parle de tuyaux au charbon, c'est pas pour braquer. Elle a souffert pour te plaire, respecte la mise. Les traces sur son bras, c'est le fer bas des lisses. Talons aiguilles, team grosse cuisse. Elle a un bac plus maroc, bête de vie. Faut refuser des trios avec des jolies femmes. Faut pas non plus abuser, je vais sauver mon âme. DJ Case. Ce morceau c'est dans Paris ou en New York. Si tu veux le pécho et l'écouter, il faut aller lundi à la Fnac le chercher. Pour le bordel, pour le bordel, pour le bordel, pour le bordel, pour le bordel. DJ Case. Paris en New York, c'est lundi, c'est dans les bacs pour aller le pécho. On veut de la rupture. Bastos, l'album de la rentrée, DJ Kays, Paris en New York, baba. On fait la tournée des Fnac. On va chercher le CD. Paris en New York, tu connais. Je crois que le week-end commence bien avec DJ Case à l'instant. Grosse session, gros mix. C'est déjà fini. Mais ouais, c'est déjà fini. Petit aperçu de ce qu'il y a dans les soirées, c'est Les sons que je passe selon les clubs, et on a fini un petit peu avec des sons de l'album. Mais c'est voilà, il y a un peu de tout. C'est-à-dire, il y a du hip-hop, de la house, du dancehall. Raga, dancehall. Généraliste. Voilà, merci Case en tout cas pour cette belle semaine. Qu'est-ce que tu voulais ajouter sur Paris en New York? Bah, on a peut-être oublié de dire. C'est mon premier album. Ouais. Et je suis vraiment fier de cet album. Après écoute et avec du recul, j'ai écouté. Il y a vraiment des super bons sons. Et pour ceux qui me connaissent depuis des années, c'est vraiment un aboutissement de malade, parce que c'est que des sons qu'on a créés. Et je suis vraiment fier de ces sons. Je les ai réécoutés. C'est vraiment, c'est top. Et bah, loupez pas. J'invite vraiment tout le monde à aller l'acheter. Il est pas cher. C'est un double CD, il y a 25 titres et ça sort lundi matin. Moins de 7 euros, on peut précommander dès maintenant. Allez-y, tout le week-end, allez cliquer si la session vous a plu. Voilà, il y a que ça sur l'album. Il y a que ça, c'est que ambiancé, c'est vraiment l'été à la rentrée. D'ailleurs, on va saluer nos ambianceurs du soir. Exactement. Il y avait Crémo qui nous a mis bien comme d'hab. Crémo, la villa, Chicha aussi, qui est là. Et Amine et Amine Marseille. C'est des potes, ils m'accompagnent en soirée, ils sont là, ils prennent le micro, ils déchirent, ils sont dans l'ambiance, ils dansent de tous les côtés. Ah, même Fred, il a bougé les épaules. Hein. Fred, tu danses pas mal. Hein. On va l'amener, on va l'amener. Et encore, Tunisie, il est un peu tôt, hein, à partir d'une 2-3 heures du mat. J'ai un de ses pas de danse que je garde pour les soirées. Il a dansé, même Momo il a dansé. Momo il s'est secoué dans tous les sens. J'ai vu ça. Bon, vous voyez, la caméra a bougé de partout. Les images sont dispo sur skyrock.fm de Smix. Et là, on fait tourner la roulette avant de se quitter. C'est parti. Ah oui, on l'a fait tourner. Très joli stop. Tu veux que je fasse stop? Hop. Et ben voilà, c'est moi qui repars avec l'iPad. Oh, bon. Ça c'est avec Lucien de Justesse encore. Et c'est Lucien de Justesse qui a merdé pour la dernière. Allez, c'est parti. Coup d'envoi, deuxième On est reparti après ce faux départ. Skyrock t'offre ta compil Planet Rap 2014 volume 2 et ton iPad mini. Manon, ça va bien dans le 4x4, Manon? Salut Fred, salut tout le monde. Eh ben bienvenue, prête à faire tourner la roulette pour cette dernière de la semaine. Ouais. Eh ben on y va. Dès que tu vas, tu dis stop, c'est parti. Ok. Quel cri, quelle voix, quel stop. Manon? Manon? Oui. Manon, tu es gâtée. Tu es gâtée. On, pour la, cette on la connaît, on dirait Manon, non, Amine? Toi, tu la connais? Il y a pour toi la compil Planet Rap 2014, l'album de DJ Case et l'iPad mini qui arrive à la maison. Bravo, Manon. Bravo. Yeah. Dédicacé merci, l'album, hein, dédicacé. Merci. Le week-end commence merci. Bien. Félicitations, Manon. Super. Bravo, merci. Manon. On te fait plein merci, de bisous. Merci. Passe une belle soirée. Bisous. Merci, Manon. Bon week-end. Dimanche. On loupe pas. Dimanche, hein, on est ensemble. Pour, là, encore. Encore un nouveau mix de... Une heure de mix avec ouais. DJ Case, Rise Supreme à pas louper. Et bah bonne chance pour cet album, Case, en croise merci les doigts. Beaucoup. Paris ouais. Euro New York. Merci à vous tous, à Amine, merci à tout le monde. Crimo, tous les artistes qui sont passés cette semaine. Exactement. Et qu'on peut retrouver sur Paris Euro New York. Là, juste avant son grand retour en direct dès lundi, c'est 10 foules maintenant sur Skyrock. Je vous retrouve pour la nocturne, première nocturne de la saison. Ce sera tout à l'heure à partir de minuit. Et la semaine prochaine, on partira non pas pour une, mais deux semaines avec la Crime et son album Corleone. À découvrir pendant deux semaines dans Planet Rap. Ça commence dès lundi. Ciao, ciao. Ciao, ciao, tout le monde. Ciao. C'est parti des foules.